À l'occasion du 9e anniversaire de la publication de l'historique déclaration du 4 octobre, Tso Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, a été interviewé le 3 courant par un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit, entre autres, « En octobre 2007, le général Kim Jong-il a organisé de nouveau l'historique rencontre au sommet pour développer à un nouveau stade élevé les relations sud-nord et signer la déclaration pour le développement des rapports sud-nord, la paix et la prospérité. La déclaration du 4 octobre, basée sur les trois principes de la réunification de la patrie et ayant pour noyau l'idéal « entre nous les Coréens », est un programme pour l'application intégrale de la déclaration commune du 15 juin afin de réaliser la paix du pays et la prospérité commune de la nation. Le général Kim Jong-il a ouvert une perspective radieuse pour l'indépendance nationale et la cause de grande union et inspiré à notre nation la confiance en la victoire certaine de la réunification de la patrie. Ce sont ces exploits extraordinaires accomplis devant l'époque et la nation. À présent, le maréchal Kim Jong-un se trouve à la tête du mouvement de réunification. Les combattants d'avant-garde du Front démocratique national anti-impérialiste et la population patriotique sud-coréenne déjoueront résolument des menées contre la réunification des forces sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur et ouvriront une phase décisive de la réunification de la patrie.